vais faire quoi de ma vie? Oh là là là là, le quartier c'est une maladie. Oh là là là là. Sur un banc on est posé peinard, ça fume ça clash toute la journée. Toi t'es bien en ce moment bien vénère. Tu parles de moi, qu'est-ce qu'il t'a raconté? J'ai pas les bras, je pousse pas trop la fonte. Mais ça va en ce moment j'ai la forme. Toi t'es pas bien, dis-moi sur qui tu comptes. C'est soudé en équipe, les frères qu'on sera fort. Je suis un madrilène, largué le képasso. Y'a une soirée, dis-moi ça se passe où? Tu fais flic à tout, t'as pas une masse. Barré qu'à Lyon, je suis écouté partout. Donc maintenant je suis de la partie. Et si je vois personne, dites-moi y'a qui. On les fous dans les clips, oublie que c'était Yankee. Il venait pêche au secteur, il se faisait tout petit. Tu veux voir mon pote, dis-moi on se capte tout. J'étais trop gentil pour trop les fous. Je me prends pas pour un autre, ça me ressemble pas. T'as réussi, ça je suis pas jaloux. Dans ce film je peux être un loup, ouais demande à Jamel. Faut être patient, bien sentir le coup. Et ils font de la peine, ils mangent la gamelle. Il envoie le yo-yo, faut que tu lui donnes du mou. La la la. Qui va se faire bomber? Ouais, ouais, ouais. Un rat vient de sortir, un autre vient de tomber. Ouais, ouais, ouais. C'est souvent celui qui en dort qui va se faire bomber. Ouais, ouais, ouais. Un rat vient de sortir, un autre vient de tomber. Ouais, ouais, ouais. Et les bleus ils tournent, je sais pas ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. Et ils viennent à plein quand ils voient tout seuls. Il change ma vie, t'es pas une bonne gamberge, courir à sa perte. Mais je préfère ça courir derrière une fille. Cherche pas très loin et traite tes amis. Il te ramèche pas derrière dans ton bel annie. Demande pas pourquoi je me pose la question. Wallah oh, c'était un bon, il est devenu zarbi. Et ouais c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Oh là là là. Oui je fais du bien mais j'ai un côté noir. Derrière ma mère qui a un cœur en or. C'est pour oublier lui qui s'est mis à boire. Moi je lui ai dit que ça causerait du tort. Parce qu'on fait du rap, je sais pas, ils ont la mort. Là ça va bien mais des fois c'est la merde. C'est tout pour mes potos mais ma famille d'abord. Pensez à distance, je me laisse un goût amer. Ils ont disparu quand t'étais mal. Oh là là. Ils sont revenus quand ils t'ont vu bien. Oh yo yo. Et c'est des suceurs avec leur mal.